dépasser sur une route à double sens à deux voies, c'est emprunter temporairement la voie des usagers arrivant en face. Il ne faut le faire qu'avec la certitude de ne gêner personne pendant toute la durée du dépassement. Ici, la visibilité n'est pas suffisante pour décider de dépasser les deux véhicules en une seule fois. Si la voiture rouge se rabat d'urgence entre les deux voitures, je serai coincé sur la voie de gauche et si un véhicule vient en face, je risque un choc frontal qui pardonne rarement. Je ne dépasse pas et je serre un peu à droite. Réponse B et D.